donc un peu les filles. Allez, ah, si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue sur Ériger, la radio de John Hallyday, tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. Comment allez-vous toutes et tous ? Très bien, mais moi aussi ça va très très bien. Ce soir dans l'émission Johnny AZ, je vous propose non pas un album de la semaine, mais carrément 4 albums de la semaine. Pourquoi 4 albums ? C'est bien la première fois que je fais ça, bien entendu. Mais si ce n'était pas de la faute de Warner, Warner a sorti en gros 4 albums dans la même semaine. Voilà, on a un premier album qui est sorti le 12 novembre 2007, c'est l'album Le Cœur d'un Homme. Le 12 novembre 2012, c'est l'album L'Attente. Le 13 novembre 2015, c'est l'album De l'Amour. Et le 17 novembre 2014, c'était l'album Restez Vivant. Donc on va fêter les anniversaires de ces 4 albums-là avec quelques reportages avec John Hallyday qui défend ces albums-là. Et puis aussi nous aurons un invité spécial dans cette émission, du moins la petite parenthèse, ça sera le dernier single de David Hallyday qui en parlera également lui-même. Mais si on commençait tout de suite par le premier album que je vous propose d'écouter, parce que ça va s'enchevêtrer, hein, il y aura un album ceci, un album cela, la suite, là, là, des versions live, bien entendu, des versions live, car presque tous les albums ont été défendus sur scène, sur ces quatre-là, sauf l'album Le Cœur d'un Homme, qui n'a pas été défendu sur scène, uniquement dans l'émission télévisée de Taratata en 2007. Premier titre que je vous propose d'écouter, ce sera extrait de l'album Le Cœur d'un Homme. On va écouter Monument Valley, mais on va laisser Johnny Hallyday présenter cet album-là avec un journaliste, bien entendu. Bonne soirée à toutes et à tous, vous écoutez RIG et l'émission Johnny de A à Z. Avec son dernier album intitulé Le Cœur d'un Homme, un titre que Laetitia lui a soufflé, Johnny Hallyday rend hommage aux États-Unis et à cette musique qu'il aime tant. Oui, le blues. 1, 2, 3. Ça fait quelques années que je voulais faire absolument cet album pour pouvoir justement faire, refaire, disons, la musique qui sont mes racines en quelque sorte, qui viennent du blues, du boogie-woogie, de la musique texane. Sans oublier une petite touche californienne. L'album a été enregistré à Los Angeles avec un seul mot d'ordre. Il me poussait toujours en me disant je veux que ça soit parfait, il n'est pas question qu'il y ait une note, un mot qui ne me plaise pas dans cet album. Dans cet album, 13 chansons avec en invité des pointures internationales telles que Bono. C'est la surprise, le leader du groupe U2 a écrit et composé un titre pour Johnny, I Am The Blues. C'est un blues, disons, plus citadin, si je puis dire. C'est un blues beaucoup plus new-yorkais. Il était venu me voir l'été dernier, lors de ma tournée. Alors je parlais avec lui, je dis que je vais faire un album de blues. Je dis que je vais absolument écrire une chanson. Et puis finalement, il m'a envoyé cette chanson. Touche pas un texte, Bono. Il y a Bono, mais aussi les grands bluesmen américains. Johnny s'est fait plaisir en invitant sur son album des musiciens qu'il admire, comme Abraham Laboriel. C'est une star, c'est le meilleur bassiste du monde. Ou encore Taj Mahal, figure historique du blues. Ah oui, mais Taj Mahal, vous savez, c'est un de mes bluesmen préférés. Et il a eu la gentillesse de me dire tout de suite, oh oui, ça je veux absolument jouer de la guitare pour Johnny dans son album de blues. Il avait entendu la version que j'avais faite il y a quelques années de Tony Joël, la guitare fait mal. Et puis quand il y était, pendant qu'il y était, je lui dis, mais tu parles cajun, toi, tu parles un peu français. Il fait, je parle très bien, mais je comprends, avec son accent américain. Et je dis, j'aimerais bien que tu fasses un couplet. Elle va te rendre fou à partir au matin. Donc il a chanté un couplet en français. Il a écrit phonétiquement pour l'accent. Et puis bon, je trouve qu'il s'en est bien sorti parce qu'il parle pas, il parle pas ce qu'on parle français, il parle cajun. Elle va te rendre fou. Reste là et retiens dans tes peines. Reste là. Ça, c'est chouette. Elle va te rendre fou. Ces mots en français sont l'œuvre d'autres invités inattendus, l'écrivain Marc Lévy ou encore le comédien Bruno Puzulu. Le blues, ça parle de la vie, ça parle de tristesse, d'espoir aussi. Ce sont des paroles humaines avant tout, des paroles qui parlent de la vie de tous les jours. Allez, une dernière pour notre plaisir et puis c'est fini. Voici tout de suite Monument Valley, extrait de l'album Le cœur d'un homme. Ici la terre est rouge, de tout le sang versé. Sous mes pieds le sol bouge, à Monument Valley. J'entends mille histoires dans les champs oubliés. Du bleu, du rouge, puis du noir. À Monument Valley, sur la terre Navajo, je la vis l'épopée. Dans la poussière des longs manteaux, de toutes mes vies rêvées. Se levait par milliers, toujours brûlant, jamais pareil, à Monument Valley. S'apprête à massacrer la vie sauvage, la vie de l'Ouest, la seule qui me fait rêver. La nuit s'éclaire d'un feu, au fond de moi une légende aînée qui ferme enfin mes yeux. Sur Monument Valley. Et toujours mon cœur bouge à Monument Valley. Parlons de l'autre album qui est sorti le 12 novembre 2012, c'est l'album L'Attente, le quatrième album chez Warner, que Johnny a enregistré chez Warner. Johnny va nous présenter cet album-là également. À quoi peuvent bien servir mes bras si c'est pour brasser du vent? Avec la tente, entre balades et guitares saturées, Johnny revient aux fondamentaux. Rock, country, blues, enfin la musique que j'aime. Pourquoi ne reviendrais-tu pas? Le ciel est plus clément. On se titre enregistré pendant l'été avec comme ligne directrice. J'ai beaucoup chanté dans ma vie des chansons qui ont énormément de rapport avec moi et ma vie privée. Ce que j'ai voulu un petit peu écarter pour cet album et de chanter un petit peu comme un acteur quand il doit être un personnage différent et qu'il joue le rôle de quelqu'un d'autre. Et le ton de cet album est donné par la plume de Christophe Miossec. Le Breton a signé plus de la moitié des titres du disque. Qui se ressemblent, s'assemblent. Miossec, c'est quelqu'un comme moi, c'est quelqu'un qui est né pauvre, qui a eu des brisures, des cassures dans sa vie. Un écorché vif, quelque part, un peu comme moi. Dis-moi que la vie est encore plus belle quand on a plus. Une alchimie qui donne lieu à un texte plus inattendu sur le temps qui passe. On n'avancerait pas si dans sa tête on n'avait pas toujours 20 ans. Je ne sens pas, moi, mon âge. J'ai fait des choses comme si j'avais 20 ans. Un nouvel album qui tombe à pic pour relancer la tournée d'automne du chanteur. Johnny vient d'ajouter l'attente à son tour de chant. Pourquoi ne reviendrais-tu pas, puisque je t'attends? Ce n'est pas l'album, ce n'est pas la chanson L'attente qu'on va écouter en premier, mais le titre 20 ans, sur des paroles de Miossec. On n'est pas là pour payer les dettes, on a tous connu nos martyrs. On se contente de chaque miette, de chaque seconde, de chaque soupir. Il n'y a pas grand-chose que l'on regrette ou l'on ne veut plus se souvenir. On a bravé tant de tempêtes qu'on ne s'est même pas vu grandir. Dis-moi que la vie est encore plus belle quand on a plus 20 ans. Et est-ce qu'on peut encore toucher le ciel quand on a plus 20 ans? Donne-moi des monts et des merveilles comme si j'avais. Toujours avec les allumettes, avec les flammes, avec le désir. On n'a qu'une envie, qu'une requête, de rire comme si on n'allait jamais mourir. On a passé l'âge d'être bête, pas celui de se faire éblouir. Chaque journée est une conquête qu'il faut abattre d'un sourire. Dis-moi que la vie est encore plus belle quand on n'a plus 20 ans. Et est-ce qu'on peut encore toucher le ciel quand on n'a plus 20 ans? Donne-moi des mondes et des merveilles comme si j'avais. Venu à bout de la bête et des nuits qui devaient rétrécir. On ne battra jamais en retraite, on a encore tant de choses à offrir. Hallyday by Hallyday. Johnny en live. On va mettre la musique. Voici un live qui date de 2012 également. Ouais, ouais, ouais. Voici le titre L'amour à mort d'une AED sur RIG. En 2012. À présent, nous allons passer à un autre album qui fête son anniversaire cette semaine. C'est l'album Restez Vivant qui fêtera ses 4 ans le 17 novembre 2014. Et pour illustrer cet album, on va écouter d'abord Regarde-nous, mais juste avant, Johnny, encore une fois, nous présente cet album. Restez Vivant, c'est le titre du 49e album de Johnny Hallyday. Enregistré à Los Angeles, le chanteur voulait qu'il sonne comme ses albums folk rock et country des années 70. À la liberté de nos jours, à la vie. Les textes parlent d'amour, d'amitié, mais aussi de désillusion et de solitude. Dans l'entretien qu'il nous a accordé, Johnny Hallyday revient sur ses envies musicales et sa rage de chanter sur scène. Rencontre avec le taulier du rock français. La notion de plaisir, c'était déjà de travailler déjà avec des musiciens que je respecte et surtout avec un producteur qui s'appelle Danoise. J'avais déjà écouté ce qu'il avait fait pour Bob Dylan, pour U2, les Stones, entre autres. Et j'avais envie d'avoir cette couleur dont lui il a le secret, cette couleur qui vient un peu du sud. 15 ans, elle est possible. C'est pas un album qu'on aurait fait en 70, mais je voulais un petit peu cette ambiance-là. À la liberté de nos jours, à la vie que l'on croit éternelle. Ça, c'est assez nouveau. Les filles écrivent beaucoup pour vous. J'aime bien l'écriture féminine. J'ai été élevé par des femmes, donc je comprends bien les femmes et la façon d'écriture des femmes est quelque chose qui me touche profondément beaucoup plus. On a jeté tous nos rêves à la mer. Cet album, je l'ai voulu sur le temps qui passe, sur la solitude, sur l'amitié, sur l'amour aussi. Voilà, je pense que c'est un album qui me ressemble. Les thèmes, c'est moi qui les ai choisis avec les auteurs. Je leur indiquais la direction que je voulais, dans laquelle je voulais aller. J'ai changé sans avoir jamais appris à chanter. Avant, je chantais de la gorge, et maintenant, je chante du ventre. Je remonte le son un petit peu plus, comme font les chanteurs d'opéra. S'endormir seul. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Il n'y aurait pas de public, je chanterais peut-être moins. Mais j'aime bien ce métier parce que j'adore faire plaisir aux gens. Jean-Jacques Goldman m'avait écrit cette chanson, donnez-moi l'envie d'avoir envie, mais c'est vrai. C'est le public qui me donne envie de faire ce métier. Et c'est vrai que quand je monte sur scène, le fait de voir tous ces gens-là. Moi, j'ai vu des femmes pleurer sur certaines chansons. Ça m'émeut. Je veux dire, ça me donne envie d'en faire encore plus, quoi. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Même si je suis fatigué, parce que ça arrive à tout le monde d'être fatigué et que je vais sur scène, le fait d'être devant le public, je suis plus fatigué du tout. Mais c'est bon, c'est en moi, ça. C'est quelque chose. C'est facile d'être Johnny Hallyday ? Non. Non, mais je m'arrange. Comment ? En essayant d'être normal, quoi. Dernière question, elle est sur la tournée. Comment vous la voyez ? Comment vous l'esquissez ? Je sais que vous travaillez énormément sur le décor, sur la scénographie. C'est dans 8 mois, alors je ne peux pas penser si longtemps en avant. J'aime bien travailler un petit peu en état d'urgence. Mais, comme disait Maurice Chevalier, je vais soigner mon entrée et soigner ma sortie. Puis au milieu, je vais me démerder, je vais chanter, quoi. Premier extrait de cet album, Restez Vivant, voici le titre « Regarde-nous ». Vous écoutez Érigé et l'émission Johnny de A à Z. On a jeté tous nos rêves à la mer. On a vécu la descente aux enfers. On a trop dit les mots qu'on aurait dû taire. On a laissé le temps jouait contre nous. On a brûlé la flamme jusqu'au bout. On a détruit ce qui nous tenait debout. Quatrième album qui fête son anniversaire cette semaine, le 13 novembre 2015, donc il y a 3 ans maintenant. Johnny nous offrait l'album De l'amour. Le voici en train de présenter. Courte présentation. C'est la première fois que j'enregistre un album en 10 jours. Ce 50e album était le secret le mieux gardé. Enregistré entre Los Angeles et Paris, Johnny Hallyday revient à ses amours, le folk et le blues. L'ombre de Johnny Cash enveloppe ce disque où les guitares sont sèches, les batteries discrètes et la voix toujours impeccable. Tout un pays soulevé. À la manière dont le faisaient les bluesmen des années 50, Johnny Hallyday se fait le chroniqueur de son époque. Ce dimanche de janvier. Un dimanche de janvier revient sur la mobilisation qui a suivi les attentats de Charlie Hebdo. Un des plus grands moments d'émotion, je trouve, que j'ai vu depuis longtemps, depuis des années et des années en France. Et voyez tout là-bas, une terre d'accueil. Johnny chante aussi avec émotion le drame des migrants. Partir sur des coques de noix comme ça et se noyer, c'est terrible. Il faut en parler. Le soir en comptant les bas. Et puis, il y a encore ce drame qui a particulièrement marqué Johnny Hallyday. La mort de Mike Brown, abattu par un policier à Ferguson. Dans la peau de Mike Brown. La violence de la police par rapport aux Noirs, moi, ça m'a toujours choqué. Dans certains États, ils sont tellement racistes que ça fait peur. De l'amour est un album intime, écrit pour les fans. Une vie à l'envers. Un album qui marque un peu plus encore le tournant musical pris il y a déjà quelques mois par l'artiste. Écoute ma douleur. La variété, il y en a tellement d'autres qui le font bien que moi j'ai plus besoin de le faire. Johnny Hallyday qui annonce dès à présent la couleur de son prochain disque. Un album rockabilly enregistré à Nashville. Et c'est pas fini. Voici tout de suite un extrait de cet album-là, le premier du moins. Voici De l'amour, John Hayden sur RIG. Un beau jour lâché, perdre prise de se sentir tomber. On pensait que tout était bien fixé, mais voilà que le sol se met à trembler. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Je pensais qu'on était parti pour des années, comme le boulot que je venais de trouver. Mais là-bas, toi ne peux plus embaucher. Il ne me reste plus qu'un seul projet. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Ouais. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. J'en avais trop, j'en avais trop pour nous deux. Comment je vais me débrouiller? De quelle façon faut savoir encaisser? Si le ciel pouvait au moins se lever, on pourrait aller enfin le décrocher. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. L'album Le Cœur d'un Homme a fêté ses 11 ans le 12 novembre 2007 et pour cet album à 64 ans, à l'époque en 2007, le chanteur commence avec Le Cœur d'un Homme, sa carrière studio dans sa nouvelle maison de disques Warner avec laquelle il a signé après sa rupture avec Universal. Depuis longtemps, Johnny présente ce disque de blues comme élément déterminant de son divorce avec son ancien producteur. Universal n'y croyait pas, répéta-t-il aujourd'hui, et ce n'était pas assez tendance. Je voulais faire un disque proche de mes racines, eux ne pensaient qu'au rendement. Il s'emporte contre la maison de disques dont les trois dernières productions avec lui ont été les trois meilleures ventes d'albums de la carrière du chanteur, de 1 à 2 millions d'exemplaires vendus à chaque fois. À l'époque où Hallyday propose à Universal d'enregistrer un album de blues, le chanteur a déjà attaqué en justice sa maison de disques pour récupérer la propriété de ses anciens titres, procès qu'il perdra définitivement en juin 2007, et le contact est alors rompu avec Pascal Nègre, patron d'Universal, jusqu'alors son interlocuteur direct. Et ce contexte tendu ne facilitera pas son projet. D'après

La mort qui fait partie d'un sujet récurrent dans la discographie de Johnny Hallyday. On revient maintenant au nouvel album, à un autre album du moins qui fête son anniversaire, c'est l'album L'Attente, et 18 mois après, à peine l'album Jamais Seul, un album co-écrit par Mathieu Chédid qui a divisé ses fans, l'Excel des Jeunes revient avec l'album L'Attente, donc le 12 novembre 2012. Un opus ponctué de quelques saillies rock, refaire l'histoire, l'amour à mort, dans la lignée d'Allumer le feu, mais globalement plus mélancolique à l'image de la chanson titre. Aux manettes de ce 48e opus, on retrouve le directeur artistique Bertrand Lamblot, associé à Marie, l'une des plus célèbres chansons d'Hallyday, qui il y a déjà 10 ans, donc c'était en 2002, donc maintenant cette chanson elle a 16 ans. Et c'est Thierry Chassagne, le patron de Warner, qui est venu me chercher, explique l'intéressé. Le but n'était pas de faire un disque contre le précédent, mais de proposer un Johnny qui parle un peu moins de lui-même et qui chante davantage pour les autres. Voici un extrait, Refaire l'histoire, sur RIG bien entendu. Vivre sans toi, chacun pour soi, à l'ombre de ses pas. Oh! Le 17 novembre 2014 sort l'album Restez Vivant. À 71 ans et 5 ans après avoir passé plusieurs jours dans le coma et frôlé la mort, Johnny clame plus que jamais son souhait de rester vivant avec un 49e album studio empreint de mélodies mais aussi d'une belle énergie rock. Certains critiques voient déjà ce disque comme son meilleur depuis ses collaborations avec Michel Berger pour Rock'n'Roll Attitude en 1985 ou encore Jean-Jacques Goldman pour Gang en 1986. L'intéressé ne remonte pas aussi loin, situant son dernier bon album au 100% réalisé en 1999 avec son fils David, mais ne cache pas que les derniers disques ont pu décevoir. Cette fois, l'émotion et la justesse sont là pour chanter la solitude avec le titre Seul, la passion avec Te manquer sur un joli texte de Jeanne Chéral, mais surtout Le temps qui passe pour tout le monde, thème central des 12 nouvelles chansons où les verbes se conjuguent au passé. J'ai ce que j'ai donné, je t'ai même pas dit merci sur un texte de Miossec et encore ou encore Si j'avais su la vie. Voici en extrait de cet album Restez vivant, mais pourquoi pas parler du titre éponyme, hein ? Voici Restez vivant, soyez gé. Restez vivant, et tant qu'on l'aime, tant qu'on en traîne. Alibé by Alibé. Johnny en live. Envoie-moi la musique. Johnny en live lors du Restez Vivant Tour. Et le titre. Extrait de l'album De l'amour, voici Dans la peau de Mike Brown. Le 9 août 2014, Michael Brown est abattu par un policier blanc alors qu'il avait les mains en l'air. Cette chanson dénonce les actes racistes qui existent encore beaucoup trop aujourd'hui. Blanche, blanche quand le corps d'un homme gît, noir entre quatre planches. Parfois même les cris ne couvrent pas le silence, malgré les flammes des bougies, l'obscurité avance. Noir comme la colère qui gronde dehors. Le soir en comptant les balles dans la peau de Mike Brown. Dans la peau de Mike Brown. Vous écoutez Érigé, l'émission Johnny de A à Z, tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. On revient à l'album Le cœur d'un homme qui est sorti en 2007, le 12 novembre exactement. Et dans cet album, placé au cœur battant du nouvel album de Johnny, enfin, c'est ce qui est écrit, le disque de blues élégant, débarrassé de la grande cavalerie américaine, que restera-t-il ? Fixe les vertiges existentiels d'un homme penché sur la vie, sur sa vie. Hallyday, nu et hanté, surgit dans cette conversation intime avec lui-même, qu'il interprète d'une voix de nuit sur les mots bleus de Didier Golmenas, auteur pour Alain Bachung ou pour Vanessa Paradis. Cette douceur inquiète, cette profondeur, ce regard vers la lumière et l'éternel ramène le chanteur vers ses plus grandes heures. Et Johnny, pour l'occasion, avait dédié cette chanson Que restera-t-il à sa mère Huguette Claire, qui était décédée à 88 ans le 29 août 2007. Voici tout de suite Que restera-t-il. je veux la vie d'un autre. Parfois je rêve d'une autre vie, d'une vie qui serait la nôtre, d'une vie qui serait la vie. Tant de fois je t'ai vu en larmes, tant de fois je t'ai vu heureuse. Le temps est là qui me désarme, et la mort un peu moins peureuse. Que restera-t-il de ma course autour du soleil? Que restera-t-il de toutes mes nuits sans sommeil? Que restera-t-il de ma voix devant l'éternel? Que restera-t-il de moi après m'avoir aidé à vivre? À croire et à chanter. Sauras-tu m'éloigner du vide qui attend de l'autre côté? Et que restera-t-il de ma course autour du soleil? Que restera-t-il de toutes mes nuits sans sommeil? Que restera-t-il de ma voix devant l'éternel? Que restera-t-il? Oh, dis-moi, que restera-t-il de moi? Que restera-t-il? Que restera-t-il de ma voix devant l'éternel? Que restera-t-il de moi? Autre album qui est à l'honneur ce soir, c'est l'album L'Attente qui est sorti le 12 novembre, également le 12 novembre, mais en 2012. Et cet album a été entamé en novembre 2011. L'enregistrement de L'Attente s'est achevé en septembre 2012. Et un travail intense de la sélection des chansons à leur enregistrement proprement dit, même si à l'arrivée, Christophe Miossec a écrit de nombreux textes qui ont fini sur l'album, on ne voulait pas de compositeur principal, souligne Bertrand Lamblot, qui a trié parmi les plus de 2000 propositions avant de soumettre les plus belles au patron du rock français. On a une relation très franche, insiste le directeur artistique. Quand il aime, je le vois de suite, ça ne l'inspire pas. Ce n'est même pas la peine d'insister. En revanche, des chansons comme L'Attente, un tableau de Hopper ou 20 ans, il les a adoptées de suite. Si les instrumentaux ont été couchés sur bande au studio ICP à Bruxelles avec une équipe de musiciens comprenant les guitaristes Brian Ray, Frédéric Coella et Jean-Pierre Giaconelli, c'est à LA où réside le chanteur qu'ont été immortalisées les voix. Voici le titre « Devant toi ». Je joue ma vie. tes mains, je remets ma vie. Jusqu'à laisser mon cœur à nu. Quand tu es là, à présent dans cette programmation de chansons de Johnny Hallyday. Voici une chanson de David Hallyday qui a chanté pour la première fois, interprété pour la première fois son titre Une dernière lettre, qui apparaîtra sur son nouvel album, j'ai quelque chose à vous dire, le 7 décembre 2018. Et il a interprété pour la première fois au Energy Music Award son titre La dernière lettre, ma dernière lettre. Et je vous propose d'écouter la présentation de cette chanson-là. Tout simplement. J'ai commencé à composer cet album en février, fin février, mars dernier. Et c'est le deuxième titre que j'ai composé. Je les ai vraiment fait dans la foulée. J'ai appelé mon ami Arnaud Santamaria qui avait travaillé avec moi sur l'album précédent et que j'apprécie énormément. C'est un garçon formidable, qui a des valeurs, c'est un hypersensible. C'est tout ce que j'aime chez une personne, donc c'est pour ça qu'on s'entend bien. Il n'y avait que lui qui pouvait écouter tout ce que j'avais à dire. Il était supposé venir 3 jours, il est resté une semaine. On a beaucoup parlé tous les deux. Et suite à toutes ces discussions est née cette chanson. Je dis si on écrivait une chanson sur la transmission, sur la transmission de l'amour, des valeurs et tout ça. Il dit ouais, c'est une très bonne idée. J'ai commencé à gratter quelques accords qui me sont venus comme ça. C'est toujours comme ça que naît une chanson, de toute manière, sans exception. Et il a écrit dans la foulée, pendant que je jouais, je cherchais la mélodie. Il a commencé à écrire cette dernière lettre, en fait. Voilà, c'est comme ça que c'est né et qu'elle est née, cette chanson. Et, voilà, beaucoup, beaucoup de discussions, mais la chanson est née très vite. C'était rapide, le processus a été douloureux parce qu'on a ri ensemble, on a pleuré ensemble, c'est ce qu'on fait avec les potes, hein, généralement. Et de toutes ces discussions et de tous ces moments partagés est née cette chanson. Donc elle est, je pense que c'est une des chansons les plus importantes dans ma vie personnelle et si on doit parler de vie artistique aussi. C'est vraiment une chanson mise à nu, c'est tout ce qu'on souhaiterait dire à quelqu'un qu'on aime, en fait. je pense, hein. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti, que je l'ai composé, et on s'est bien compris avec Arnaud, donc c'était le message voulu, effectivement. Voici ma dernière lettre, une chanson dédiée à Johnny Hallyday par son fils David. Puisqu'au matin il me faudra partir, que vais-je laisser de mon nom? Quel mot, quelle vie faudra-t-il retenir? C'est vrai, j'ai joué tant de partitions. J'ai souvent rêvé que je pouvais fuir, couper l'image et le son. Mais la peur du vide, la peur d'en mourir était plus forte que la raison. Ce que je voulais, c'est juste un dernier cri. C'est ma dernière lettre, ce que je n'ai jamais dit. Ce que je n'ai jamais dit. Ce que je n'ai jamais dit. Puisque demain je ne pourrai plus rire, loin de ce monde pour de bon, je voudrais qu'on me donne un dernier soupir pour juste sentir les saisons. Ce que je voulais, c'est juste un dernier cri. C'est ma dernière. Je n'ai jamais dit ce que je n'ai jamais dit. Ce que je n'ai jamais dit. J'aime le silence quand mes yeux se ferment. Je sens le calme et les yeux. Plus être l'ombre de moi-même, que je t'aime avant de faire mes adieux. Ce que je voulais, c'est juste un dernier cri. C'est ma dernière lettre. Ce que je n'ai jamais dit. On revient à Johnny Hallyday avec l'album Restez Vivant qui était sorti le 17 novembre 2014. Et le rocker qui se dit apaisé avait envie d'auteurs féminines, Isabelle Bernal, Valérie Vega, en plus de Jeanne Charal, et de bannir les choses trop hard. Pour le son, l'interprète de Quelque chose de Tennessee a trouvé son bonheur dans l'Amérique du blues et de la country et du son des années 70 en confiant les clés de son disque au producteur américain Don Was, patron du label Blue Note. Je l'ai connu en écoutant son travail avec Bob Dylan et avec U2, avec les Rolling Stones, et c'est quelqu'un avec qui j'avais envie de parler depuis le début. Ce n'était pas évident que ça accroche et que ça fonctionne, mais dès qu'on s'est rencontrés, ça lui a plu, explique Johnny. Voici un titre qu'a composé entre autres Dieu délice au Café de l'Avenir. Ça me travaille. Je suis un vrai champ de bataille. l'avenir. Qu'est-ce que je vais devenir au café de l'avenir? Et je trinque au temps présent sur le zinc de mes 20 ans. Où tu suis le chemin tracé, où tu te fais gêner. Le compte en banque à zéro, va falloir trouver du boulot. Qu'est-ce que je vais café de l'avenir? Qu'est-ce que je vais devenir au café de l'avenir? L'amour me croise ma route, je les voudrais toutes. Je la joue romantique, perdant magnifique. La fin était plus classique, crédit autour et tout le cirque. Qu'est-ce que je vais devenir au café de l'avenir? Du bar, je regarde la rue, je me suis mis minable pour avoir l'air respectable. Dans les balises sous les yeux, une lettre commandée, mon vieux 50 ans passé, si j'en vois tout chier, assis sur mes convictions, je reste comme un con. Je me suis pas vu vieillir, vu tout venir, le temps d'un dernier verre, on va bientôt fermer. Je me prépare à partir, mais on venait juste de commencer. J'espère que tout va bien pour vous. Vous écoutez RIG et l'émission Johnny de A à Z tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. L'album suivant, c'est De l'amour. Et la surprise est tombée. Le 9 novembre 2015, lors d'un concert, Johnny avait réservé au public lillois la primaire d'une nouvelle chanson et l'annonce de la sortie de son 50e album studio, De l'amour, enregistré dans le plus grand secret de l'été 2015 entre Los Angeles et Paris. Et on l'a fait très vite, a expliqué le chanteur vendredi à Paris. Enfin oui, ça y est, il y a des dates. Lors de son unique rencontre avec la presse, j'avais un mois de vacances, je suis rentré plus tôt que prévu à Los Angeles pour l'enregistrer. Puis on a enchaîné sur la tournée, mais c'est la première fois que j'enregistre un album en 10 jours. Mais on a voulu faire simple et direct, à la Johnny Cash. Depuis plusieurs années, Johnny disait son admiration pour les derniers arrangements du Man in Black et leur arrangement crépusculaire. Un disque de rock'n'roll pur, brut et sans fioritures. Belle idée, j'avais envie d'un disque correspondant à ce que j'aime depuis toujours, le rock'n'roll, le rockabilly, le blues. C'est ce qu'on retrouve à chaque interview, ça. Et très souvent, mes précédentes maisons de disques m'ont demandé des chansons dans le format variété avec de grandes orchestrations. Je ne cherche plus à courir après les tubes. Je suis arrivé à un âge où j'ai décidé de faire ce dont j'ai vraiment envie. Et le choix des textes portés par la voix de Hallyday en 2015 constitue l'autre excellente surprise de l'album. Dans la tradition des vrais bluesmen américains, Johnny chante l'actualité. On ne peut plus se contenter de chanter Daddy Run Run aujourd'hui. L'année a été marquée par des événements terribles dont je voulais rendre compte. Pas pour parler à la place des victimes, mais pour dire que la meilleure réponse à tous ces drames, c'est de donner de l'amour, déclare Johnny. Et pour le prochain titre que je propose d'écouter, c'est le titre Valise ou cercueil qui raconte raconte le quotidien des migrants et cette chanson fait mouche. Sa femme dans la boue et le froid, un paquet de billets dans la main d'un passeur, ils braquent leur honneur et ils s'assoient sur leur orgueil. En tout dernier choix, valise ou cercueil. D'abord, le dos à la mort. Au milieu de la nuit, au milieu de leur vie, ils espèrent encore. Ils voient tout là-bas une terre d'accueil. Il ne reste au choix que valise ou cercueil. J'aime bien cette voix-là. Titre suivant, ou avec album suivant, qui est l'album Au cœur d'un homme, sorti en 2007, le 12 novembre 2007. Et sur cet album, Johnny disait vouloir un vrai disque de blues, un disque du sud profond, explique Kaour. En même temps, il précisait un disque pas chiant avec un potentiel commercial. Trop classiquement blues, ça aurait été ennuyeux. Trop variété, ce n'était plus l'esprit. Aux adaptations de standards, l'équipe Warner préfère finalement quelques nouveaux noms, Marie-Laure Douce, Christian Lejallet, l'ami acteur Bruno Puzulu et d'autres qui avaient déjà fait leurs preuves au temps d'Universal, Fred Blondin, Jacques Vénérousseau, l'historique Michel Mallory, tiens, et l'arrangeur-compositeur Yvan Cassar. L'important était surtout de mettre à nu sa voix et ayant recours aux instruments acoustiques, revendique Kaour. J'ai souvent été pris dans l'engrenage du toujours plus, constate le chanteur. Là, les chansons ne réclamaient pas de cavalcade de violon et de cuivre. Aux côtés des dobros et de l'harmonica, on retrouve aussi quelques grosses machineries comme le single Always ou un final I Am The Blues écrit par Bono, le leader de U2. Bono, que je connaissais, était venu me voir à Monaco lors d'un concert de la dernière tournée, rappelle Johnny, dans chaque entretien. Et nous avions pas mal picolé. Il avait promis de m'écrire une chanson. Nous avons reçu le titre peu de temps avant de partir enregistrer à Los Angeles, précise Jeff Kaour. Cela ne cadrait pas vraiment avec l'esprit du disque, mais comment refuser un titre de Bono? Ce n'est pas le titre de Bono, I Am The Blues, que nous allons écouter de suite, mais un titre lors de la réédition de l'album avec la pochette couleur de Le Cœur d'un Homme. C'est le titre Le Blues Maudit en extrait. C'est la fin de la nuit. et je n'attends pas le jour. Pour moi tout c'est fini après l'amour. J'ai plus envie d'y croire. Elle n'a jamais écrit ni cherché à savoir d'où je l'oublie. Puisqu'ici le temps s'éloigne sans bruit, que tout ce qu'il touche s'enfuit. Chante encore ce blues maudit, tout comme je pleure ma vie. Oui, chante. Que tout se joue. Redonne-moi la force, puis d'y croire encore un jour. Tant le mal qui me ronge ne laisse rien autour. Puisqu'ici le temps s'éloigne sans bruit, quand on prend la mort à vie, chante encore ce blues. Hallyday by Hallyday. Johnny en live. Envoie-moi la musique. Entre Johnny sur la scène de Taratata et le titre Témécimal. Tu vas m'aimer si mal que je serai fou de toi. Tu vas me faire du mal en tombant près de moi. Sentir ta peau et te serrer contre moi. Je vais te haïr si bien que je serai fou de toi. Et coule dans tes veines mon opium et ma peine. Je veux sentir ta bouche te coller à ma peau. Dans tes caresses, le sauvage d'ivresse des mois. À l'encre de nos nuits, efface ma détresse, dessine-moi. Il n'y a que toi et moi. En 2012 avec l'album L'Attente, avec ce nouvel album publié le 12 novembre 2012, oui c'est ça, Johnny Hallyday revient à ses classiques entre rock saturé de guitare et ballade fédératrice, tournant la page de l'embardé pop tenté sur son précédent disque Jamais Seul en 2011, et qui s'est soldé par un échec. L'enregistrement de l'album a été marqué par de nouveaux ennuis de santé du chanteur, qui a dû être hospitalisé aux Antilles pour une gêne respiratoire, mais cette interruption forcée ne s'entend pas sur le disque, où la voix du Taulier est toujours aussi puissante. L'Attente, réalisée à Saint-Barthélemy et Los Angeles, baigne dans la musique américaine chère à Johnny, entre références aux grands hymnes rock et aux fleurons de son propre répertoire. Et quand on pose la question « Johnny en studio, il est comment ?» Bertrand Lamblot répond « Comme tout le monde, il a des jours avec et des jours sans. Mais on n'y passe pas des heures. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est d'abord un interprète. Des gens que j'aime comme Souchon, Calogero ou Raphaël chantent toujours plus ou moins la même chanson. Johnny, lui, s'attaque à des trucs qui représentent un vrai défi. C'est le cas de L'Attente. Vous ne l'avez jamais entendu sur un truc comme ça, plus proche de Brel ou de Ferré que du rock. J'en suis très fier. Justement, voici le titre « L'Attente ». À quoi peuvent bien servir mes bras si c'est pour brasser du vent? Que vais-je faire de mes deux mains si elles espèrent en vain? En ce qui concerne mes yeux, ils ne voient plus que nous deux. J'ai tout fait contre, j'ai rien fait pour, j'ai joué la montre, j'ai perdu mon tour. Pourquoi ne reviendrais-tu pas? Le ciel est plus clément. Pourquoi ne reviendrais-tu pas? Puisque je t'attends, pourquoi ne reprendrais-tu pas un peu de mon temps comme avant, comme avant? À quoi peuvent bien servir mes jambes si comme les feuilles elles tremblent? Que vais-je bien faire de mes dix doigts s'ils ne te touchent pas? Que peuvent devenir mes yeux s'ils n'y voient plus que du feu? En ce qui concerne mon front, il combat toujours ses démons. J'ai tout fait contre, pourquoi ne reviendrais-tu pas? Le ciel est plus clément. Pourquoi ne reviendrais-tu pas? Ça fait déjà si longtemps. Pourquoi ne reprendrais-tu pas? sur RG et avec, avec en revue les quatre albums qui fêtent leur anniversaire cette semaine. Le Cœur d'un homme qui était sorti le 12 novembre 2007, L'attente sorti le 12 novembre 2012, Le Rester Vivant sorti le 17 novembre 2014 et l'album de l'amour pardon, le 13 novembre 2015. À présent, nous allons écouter un autre extrait de l'album Rester Vivant, c'est le titre de Manquer. Je partirai un soir quand tu m'aimeras encore. Je partirai d'ici pour raviver le feu, pour tracer de mémoire les contours de ton corps. Je partirai aussi pour le plaisir du jeu, te manquer, te manquer. Je voudrais te manquer. Je garderai pour toi le plus doux des silences. Je resterai des jours intraçables et muets. Je ferai de ma voix l'écho de mon absence et de tout cet amour. Un sentiment parfait. Te manquer, te manquer. Je voudrais te manquer. J'inventerai loin de toi un exil volontaire, brisant ma solitude avec des choses de rien. Quelques vers ou le bois d'un arbre centenaire, que la chaleur du sud aura mis sous mes mains. Te manquer, te manquer, je voudrais te manquer. Sous ta fenêtre, je serai l'inconnu au détour d'un sentier. Que serait le danger que tu courras peut-être? Je serai devenu ton désir tout entier. Je serai sûr de t'avoir tant manqué que tu n'en pourras plus. Tu m'ouvriras les bras et en moi je te jure que tu retrouveras tout ce qui t'avait plu. Sur le 50e album de Johnny Hallyday, qui est l'album de l'amour. Et Johnny donne les pleins pouvoirs à Yodelis. Cet album signe en effet les retrouvailles du taulier avec le chanteur et musicien Yodelis, alias Maxime Nucci, qui a composé et réalisé la quasi-totalité des 10 morceaux, à l'exception du titre Des raisons d'espérer, signé par Johnny en personne. Et d'autres comme Michel Berger, Jean-Jacques Goldman ou encore David Hallyday avaient eux aussi assumé cette fonction auparavant. Yodelis et Johnny Hallyday se sont rencontrés à l'époque de l'enregistrement du disque Jamais Seul, sorti en 2011. 2011. Et le rocker avait connu 2 ans plus tôt de gros ennuis de santé et avait été plongé dans le coma. Depuis, les deux hommes sont inséparables, on s'entend bien et on se fait rire. Il y a un vrai échange entre nous et un respect mutuel à vous, Yodelis. Voici un des titres de cet album-là, Mon cœur qui bat. Écoute, écoute, mon cœur qui bat. Écoute, écoute, comme il se bat. Écoute, écoute, mon cœur qui bat. Écoute, écoute, comme il se bat. Écoute ma douleur, elle ne s'en va pas. Depuis des jours, des heures, elle reste plantée là. Écoute mon cœur, il n'entend plus que toi, rien d'autre que toi. Regarde mon cœur, il n'en revient pas d'avoir perdu tout le bonheur qui était bien là. Regarde mon cœur, il était si froid, il ne savait pas. Je ne t'en veux pas, je ne t'en veux plus, je t'en voudrais toujours. Je ne t'en veux pas, je ne t'en veux plus. Écoute, écoute mon cœur qui bat, écoute, écoute comme il se bat. Écoute, écoute mon cœur qui bat, écoute, écoute comme il se bat. Ceci est mon cœur. Et il en vaut la peine. Même s'il est couvert de bleu, jamais il saigne. Il n'a jamais eu de chance, il n'a jamais eu de peine. En tant que tes problèmes, je ne t'en veux pas, je ne t'en veux plus, je t'en voudrais toujours. Écoute mon cœur qui bat, écoute, écoute comme il se bat. Écoute, écoute mon cœur qui bat, écoute, écoute comme il se bat. Écoute, écoute mon cœur qui bat, écoute, écoute comme il se bat. Écoute, écoute mon cœur qui bat, écoute, écoute comme il se bat. Je t'en voudrais toujours. Revenons à 2007 avec l'album Le cœur d'un homme, avec un Johnny tout en creux et en bosse. C'est un Johnny back in blues avec des guitares slide et des dobros, des pédales steel, des invités spéciaux Tony Joe White, Paul Persson, Taj Mahal et des clins d'œil à son propre répertoire. Ainsi, Chavir et les foules renvoient à la musique, à toute la musique que j'aime, du même auteur Michel Mallory. De la première chanson Monument Valley à l'itinéraire vers l'ouest et contenue dans le titre, à la dernière I Am the Blues signée Bono et Simone Carmondi, Johnny se donne tout entier avec des creux, des bosses, donc des bleus, dans des chansons solides comme un rock qu'il assume avec vigueur. Lorsqu'il se coule dans le pur blues, l'interprétation est à vif, l'homme s'effrite tel un bloc de granit. On a connu Johnny moins investi dans cet album que... Enfin, plus investi dans cet album que dans d'autres, évidemment. Voici le titre « Chavirer les foules », un titre de Monsieur Mallory. Des mots écrits sur des musiques, à l'encre bleue, à l'encre rouge. C'est comme une relation physique, comme un contact épidermique, et qui fait que les choses bougent. ça fait chavirer les foules. Mais chavirer les foules, ça fait trembler les grilles, crier les filles, chavirer les foules. Une idée forte sur un bon thème qui sonne bien, qui sonne actuel. Un truc qui parle de nos problèmes, de nos amours et de nos peines, en un langage universel. Ça, ça fait chavirer les foules. Oui, chavirer les foules. Ça fait tomber les grilles et hurler les filles, chavirer les foules. La voix d'un chanteur qui se brise sous le soleil d'un projecteur. Un gospel au fond d'une église, une guitare qui improvise sur un vieux blues en mi majeur. Ça, ça fait chavirer les foules. Qui tue sur les murs, qu'il soit de haine ou bien d'amour, c'est comme un mélange magique avec un pouvoir érotique qui fonctionne depuis toujours. Ça, ça fait chavirer les foules. Oui, chavirer les foules. Ça fait plier les grilles, aimer les filles, chavirer les foules. Ça, ça fait chavirer les foules. Chavirer les foules. Ça fait plier les grilles, aimer les filles, chavirer les foules. Ça, l'album L'Attente, toute guitare devant refaire l'histoire et l'amour à mort, lorgne vers AC/DC. La femme aux cheveux longs et son riff d'harmonica évoquent le Far West américain, tandis que Devant toi, composé par Johnny, s'inspire des envolées de Coldplay. Par son thème et ses intonations, un tableau de Hopper où les figures féminines du peintre américain prennent vie renvoie à quelque chose de Tennessee. Voici le tableau de Hopper. Elle a des barres tristes dans la tête, des nuits où les solitudes s'affrontent. Elle a des valises toutes prêtes pour les voyages qu'elle se raconte. Elle a des flammes sur les joues, la nuit le soleil est en nous. Sous sa robe sombre bleue froissée, elle cache son âme cabossée. Elle sort d'un tableau de Hopper. Elle attend quelque chose de beau, un rêve qui ne fasse plus peur, un amour qui lui tienne chaud. Elle sort parfois de sa torpeur pour faire un mouvement de danse, mais d'une toile de Hopper, on ne sort pas sans mot d'absence. Elle sort d'un tableau. S'arrange pour nous prendre à la gorge, dans le désir, dans la tourmente, elle cherche encore une place vacante. Dans le miroir, sur son visage, la fatigue se mêle au courage. Elle sort d'un tableau de Hopper, elle attend que chose de beau, un rêve qui ne fasse plus peur, un amour qui lui tienne chaud. Elle sort parfois de sa torpeur pour faire un mouvement de danse, mais d'une toile de Hopper, on ne sort pas sans mot d'absence. Elle sort d'un Alibay by Alibay. Johnny en live. On va voir la musique. Rentre Johnny. Et le titre, Seul. Lors du Restez Vivant Tour. Regardez tomber la pluie. Écoutez le souffle du vent. Acceptez de ne pas comprendre le pourquoi des choses. Devoir continuer à vivre comme avant. De plus, se laisser porter par le temps, oser regarder devant soi malgré tout, et trouver le courage qui vous manque. Flamme. dormir seul. Oui, s'endormir seul. On revient encore à l'album Rester Vivant, sorti en 2014. Et donc, au sujet de l'album Rester Vivant, Johnny Lucide dit de Lee Lueum qu'il s'agit de l'album dont il est le plus fier depuis 30 ans. Hein. Le disque navigue avec bonheur entre blues, soul, country et rock'n'roll, exécuté avec goût et panache, guitare acoustique électrique, orgue, piano, cuivre. L'instrumentarium de l'album se garnit aussi de touches de mandoline ou de findle. Mais c'est la voix du chanteur épatante d'intensité qui se taille la vedette sur l'ensemble du disque. Composé par une équipe articulée autour de yodelistes, Rester Vivant contient plusieurs pépites. Au Café de l'Avenir est une vraie fausse confession enlevée aux guitares ruisselantes. Je t'ai même pas dit merci, dû à Gary White de Spooky Tooth et de Christoph Miosek, est un blues mutant du meilleur effet. Et c'est justement ce titre-là qu'on écoute tout de suite sur RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Je suis tombé, des larmes pour me pardonner. Et j'ai pris quand j'ai voulu prendre la belle vie et les heures tendres. J'ai pris tes plus belles années. Chaleur de la nuit. Pour les heures et les secondes, passez-nous deux dans ce monde. Je t'aimais pour tes caresses, de tout mon cœur je le confesse. Je t'ai même pas dit merci. Prends-moi dans tes bras. Je suis tombé, la peur de ne plus t'embrasser. Ouais. J'ai prié comment je vais m'y prendre pour te dire que je tombe en cendres. J'ai pris 10 ans, 3 secondes, la terre n'est plus vraiment ronde. J'ai même pas dit merci. Pour les heures et les secondes, passez-nous deux dans ce monde. Je t'aimais pour tes caresses, de tout mon cœur je le confesse. J'ai même pas dit merci. Prends-moi dans tes bras. J'ai pris 10 ans en 3 secondes. La terre n'est plus vraiment rose. J'ai même pas dit merci. La chaleur de la nuit. Pour les heures et les secondes, passez-nous deux dans ce monde. Ouais. Je t'aimais pour tes caresses, de tout mon cœur je le confesse. J'ai même pas dit merci. Prends-moi dans tes bras. Prends-moi Il est sorti le 13 novembre 2015, malheureusement le jour des attentats sur Paris, hein, au Stade de France, au Bataclan et à la place de la République. Malheureusement, cet album a été un peu touché, endeuillé par cet acte terroriste. Mais il est bien là, et cet album-là, pour une nouvelle fois, le musicien Yodelis a assuré tous les arrangements, guitare slide, son vintage pedal steel, et a réussi le pari difficile de l'authenticité. On a travaillé avec le plus de sincérité possible, et dans le lâcher prise sans pression, juste pour le plaisir de faire de la musique, explique Yodelis. Johnny et moi partageons la même passion pour le vieux rock'n'roll et les belles guitares. Je voulais que ce disque sonne comme le bilan de qui il est vraiment et un retour à ses inspirations originelles. Et à l'époque, en 2015, Johnny déjà prévenait: j'aimerais que mon prochain disque soit 100% rockabilly. Je pense à Nashville qui doit être un bon endroit pour ça. Et s'il est libre, je vais demander à mon ami Brian Setzer de participer aux sessions guitare. Donc, un album qui n'a jamais vu le jour, mais est-ce que les paroles qu'a faites Michel Mallory, je reviens dessus, Michel Mallory qui veut donner à qui on sait, à JB, et en plus, il va l'enregistrer à Nashville. Est-ce que ça, hein, ce n'était pas question de cet album-là? Allez donc savoir un peu. Mais bon, je pense qu'on le saura jamais. Hein, on le saura jamais. Voici une chanson qu'avait, entre autres, composée d'une idée sur cet album-là, De l'amour. Voici le titre, Des raisons d'espérer. Se lève à peine, le bruit des clés te sort du lit. Combien de jours et combien de nuits? Tu sors en tout dernier, les traits tirés, mais tu souris au premier jour du reste de ta vie. Et tu traces ta route pour continuer à chercher. Tu traces ta route des raisons d'espérer. Est terminé, ta dette a été effacée. Tu quittes le banc des accusés. Tu mets dans la balance ce qui te reste de fierté. Tu veux jeter toi-même les dés. Et tu traces ta route pour continuer à chercher. Tu traces ta route des raisons d'espérer. Tombe au loin, tu revois les jours, les années, au goût amer, inachevé, un futur incertain, si c'est ça le prix à payer. Rien n'est trop cher pour ta liberté. Tu traces ta route pour continuer à chercher. Tu traces ta route des raisons d'espérer. On va accélérer un petit peu la cadence. Ouais, ouais, il est minuit 20 minutes passées sur l'antenne de RIG. On va revenir à un dernier extrait avec l'album Le cœur d'un homme, avec le titre Sarbacane, la reprise donc d'une chanson de Francis Cabrel qui datait de 1989. Johnny qui rêvait que, après Goldman, après Michel Berger, rêvait que Francis Cabrel lui écrive un album tout entier. Ce ne s'est jamais fait. Et Francis Cabrel a même fait une chanson pour Johnny Hallyday en 2008 sur l'album Ça ne finira jamais, sous le titre Je m'arrête là. Et Johnny, pour l'occasion, il avait demandé un titre sur l'album Le cœur d'un homme, Cabrel n'avait pas eu le temps, donc il a fait tout simplement cette reprise de Sarbacane. Et pour dire un peu que cet album Le Cœur d'un Homme aussi, en même temps pour finir un petit peu sur cet album-là, il a été certifié double album de platine le 31 décembre 2007. C'est équivalent de plus de 400 000 ventes d'albums. Musique tout de suite, voici Sarbacane, extrait de l'album Le Cœur d'un Homme de 2007. Savoir tout sur l'amour depuis toujours. Nos corps par cœur et nos cœurs au chaud dans le velours. Et puis te voilà au bout de femme comme soufflé d'une sarbacane. Le ciel a même un autre éclat depuis toi. Les hommes poursuivent ce temps qui court depuis toujours. Voilà que t'arrives et que tout s'éclaire sur mon parcours. Pendu à mon cou comme une liane, comme le roseau de la sarbacane. Le ciel s'est ouvert par endroits depuis toi. Ça change tout autour. Fini les matins paupières en panne, lourdes comme des bouteilles de butane. J'ai presque plus ma tête à moi depuis toi. Une dernière fois sur l'album L'Attente, cet album réalisé par Yvan Cassar. Il a été très bien accueilli par les médias et s'est vendu à plus de 120 000 exemplaires la semaine de sa sortie, prenant ainsi la première place du classement des ventes de disques. Après 16 semaines d'exploitation, les ventes de l'album s'élèvent à plus de 425 000 exemplaires. Deux fois disque de diamant, l'album reçoit le Award d'honneur le samedi 26 janvier 2013 lors de la soirée des Energy Music Awards. Et pour illustrer encore une dernière fois cet album-là, voici N'en vouloir à personne. Thank you. présent, dernier extrait de l'album aussi, Restez Vivant. Cet album est donc sorti le 17 novembre 2014. Il a été produit par Don Was, vous le savez, avec 132 000 ventes. L'album est le meilleur démarrage de l'année 2014. Et avec 430 000 ventes en 6 semaines, l'album est la quatrième meilleure vente de l'année. Il a été certifié disque de diamant, donc soit plus de 500 000 exemplaires. On n'a pas encore le chiffre exact, mais quoi qu'il en soit, on va écouter le titre On s'habitue à tout. Dernier extrait de l'album Restez Vivant. À la liberté de nos jours, à la vie que l'on croit éternelle, à nos amitiés, nos amours, à ce qui rend la vie plus belle, à l'absence qui rend fou, aux assauts cruels de la vie, au temps qui passe et reprend tout, à la solitude aussi. On s'habitue à tout, à l'enfer comme à la lumière, à l'obscurité au bout, comme un instinct de survie. On s'habitue. L'évidence du bonheur, si criant qu'il te crève les yeux, on imagine pourtant ailleurs, ailleurs, ailleurs c'est toujours mieux. On oublie même qu'on a eu mal, que c'est douloureux à crever, la trahison, l'indifférence de ceux pour qui on aurait. En 2015, Johnny se place directement en tête des charts avec l'album De l'amour, détrônant ainsi Mylène Farmer avec son album Interstellaire. L'album se vend à 80 000 exemplaires en une semaine pour ensuite atteindre les 300 000 copies vendues en moins de 6 semaines. Au 31 décembre 2015, soit après 7 semaines d'exploitation, les ventes en France s'élevaient à 338 344 exemplaires. Le disque a été certifié triple disque de platine. Et puis pour l'extrait, dernier extrait de cet album-là, De l'amour, tu es là. Il est toujours là, Johnny. Quand je n'ai plus de pays, quand le doute m'envahit, quand il neige sur mes rêves, tu es là. quand je perds l'est et le nord, quand je pars dans le décor, je me raccroche à tes lèvres, tu es là. Quand il n'y a plus rien dans la nuit claire qui me retient, au creux de tes bras, je sais pourquoi je reste là. Quand reviennent tour à tour les pantins et les vautours, quand je n'ai plus de repères, tu es là. Quand la fatigue me gagne, quand la peine m'accompagne, que les choses m'indiffèrent, tu es là. Quand il n'y a plus rien dans la nuit claire qui me retient, au creux de pourquoi je reste là. Quand il n'y a Ironie du sort, l'album de l'amour sort le jour même des attentats en Île-de-France. Le lendemain, en concert au Zénith de Strasbourg, Johnny dédie la représentation aux victimes et à leurs familles, avant d'observer une minute de silence avec le public. Alibé by Alibé. Johnny en live. En moment de la musique. Retour de Johnny Hallyday à Strasbourg ce jour-là. Le 14 novembre 2015. Bonsoir Strasbourg. Nous avons décidé de dédier le concert de ce soir à tous les disparus des attentats d'hier soir à Paris. Ainsi qu'à leurs familles et à leurs proches. Je voudrais que nous fassions tous ensemble, si vous voulez bien, une minute de silence pour leur rendre hommage. Nous devons tous continuer à vivre dans l'amour et non dans la haine. Il est temps que rien ne s'arrête et que la France reste le beau pays que nous aimons tous. Vive la France, merci. Les

m'a jamais quitté. Il est ce que je suis et tout ce que je fais. Même moi je sais qu'il se souvient de moi. Peu importe où je vais, il m'y attend déjà. Mon pays, c'est l'amour. Mon pays, c'est l'amour. Je suis né dans ses bras en même temps que toi. J'ai grandi sous ses doigts en même temps que toi. C'est toi en même temps que toi. Et aujourd'hui, cet album Mon pays c'est l'amour s'est vendu à plus de 1 million d'exemplaires. Ainsi s'achève cette émission Jelly de A à Z avec. On fêtait l'anniversaire de 4 albums. L'album de l'amour, l'album Rester vivant, l'album L'attente et l'album Le cœur d'un homme. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir participé et d'avoir écouté cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure avec Johnny Hallyday. À bientôt, tout et à tous. Bonne nuit. Ciao, ciao. Oh, l'anarchiste, c'est vachement plus ordonné que nous. RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7.